tiers, en quelque sorte, dans la situation des entretiens, enfin, en tout cas dans les situations que j'ai connues, et particulièrement en Côte d'Ivoire et en Ouzbékistan, la présence de l'État était très forte. Et donc dans ces situations d'interlocution, en fait, on est dans une interlocution qui est dans un certain temps, qui se situe dans un certain temps, et pour comprendre en fait ce qui est dit, même si ce qui est dit porte sur le passé, en fait, il faut toujours la rapporter à la situation d'interlocution. Donc on ne peut pas comprendre un discours qui est tenu sur le passé, donc il va être une certaine mémoire du passé en quelque sorte. Donc là, par exemple, dans les exemples que je viens de donner, la mémoire du passé soviétique, d'une certaine trajectoire ouvrière, d'une certaine insertion, par exemple, de cette femme dans la société soviétique, où elle était ouvrière, où elle était membre du Parti communiste, où elle était prospère, etc., où elle obtenait des appartements pour ses enfants. Donc, même s'il y a cette mémoire du passé qui surgit dans l'entretien, en fait, cette mémoire du passé, elle n'a de sens que par rapport à une situation qui est dans l'instant T, en fait, de l'interlocution entre l'ethnologue, là où les personnes qui sont en face de lui, et puis l'État. Et donc, en l'occurrence, dans l'exemple que je viens de développer ici, en fait, ce que disait cette femme du passé n'avait de sens que par rapport, en fait, à la situation d'interlocution qui était en présence de son mari, avec lequel elle avait un différend qui portait sur son incapacité, en fait, à remplir ses obligations de chef de famille, et puis à l'État, donc elle s'en prenait à l'État, en fait, qui se trouvait incapable de leur donner des appartements et de leur permettre, en fait, de vivre leur vie décemment et de remplir leurs obligations familiales de père et de mère de famille, etc. Donc on a un certain discours, en fait, qui va être tenu sur le passé et qui va avoir un sens, en fait, dans une certaine situation d'interlocution. Et donc ça va d'abord, enfin, ce qui va se passer lorsque je reviens en France, je travaille sur mes matériaux, j'analyse, etc., c'est que je vais comprendre, je vais analyser en fait ce qui va être dit à ce moment-là, en fait, par rapport à la situation. Et d'une certaine façon, ce qui m'intéresse moi en tant qu'ethnologue, c'est d'analyser la situation présente. C'est-à-dire, je ne fais pas un travail d'historien, ce n'est pas mon métier, hein, je ne suis pas historien, je suis incapable, enfin, je n'ai pas pour but, en fait, pour objectif, de retracer, en fait, le passé et de produire de la connaissance sur le passé. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'analyser la situation présente. Et donc, ce passé qui va être raconté à un certain moment, et donc qui va se présenter comme une certaine forme de mémoire, finalement de mémoire ouvrière, en l'occurrence, moi, je vais l'analyser en fait dans la perspective de comprendre ce qui se passe dans la société actuelle et de comprendre en fait, notamment en l'occurrence, enfin, par rapport à l'exemple que j'ai développé, de comprendre quelle est la relation que les gens, en fait, ces acteurs entretiennent avec l'État. Je dis avec l'État parce que voilà, dans cet exemple particulier qui est le début de l'entretien en fait dans cette famille, voilà, c'est la première chose qui va se donner à voir, c'est la première chose qui va être dite en fait, c'est le rapport à l'État. Et donc, évidemment, moi, comme anthropologue, lorsque je vais analyser mes données, ce que j'ai recueilli comme matériaux, même si mon objet premier, c'est le travail, en fait, ce que je vais commencer par analyser, c'est le rapport des gens à l'État. Là, c'est un analyse, parce que tel que tu le présentes, le rapport, finalement, d'après ce qu'on croit comprendre, du couple, est aussi essentiel. Donc, là, toi, tu vas centrer sur le rapport à l'État qui va se dégager. Mais il y a une histoire de couple qui est alors très forte, quoi. Oui, tout à fait. La seconde chose que je vais développer, parce que ce que me raconte cette femme, non seulement elle me parle de l'État, mais ce qu'elle me raconte aussi, c'est sa difficulté à marier ses enfants. C'est-à-dire la question qui l'obsède véritablement, vraiment dans ses paroles, ça revenait de manière complètement obsessionnelle, la question qui l'obsède, c'est de trouver l'argent pour remarier sa fille, pour terminer de marier ses fils, c'est-à-dire de les installer dans un appartement. C'est-à-dire, le mariage est véritablement, en fait, l'obsession dans la société ouzbèque contemporaine, donc pour ses raisons matérielles, financières, et aussi pour des questions idéologiques, parce que, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais parce que le mariage, c'est... ça représente en fait l'élément des traditions qui est valorisé aujourd'hui par le régime ouzbek, c'est-à-dire dans son développement d'une nouvelle idéologie d'État qui est basée sur l'identité nationale. En fait, l'État ouzbek revalorise les traditions qui avaient été dévalorisées par le système soviétique, et le mariage se situe véritablement au cœur de ces traditions. Donc le mariage représente vraiment le cœur de l'idéologie nationale aujourd'hui en Ouzbékistan. Et c'est une autre raison pour laquelle ça apparaît de manière obsessionnelle. Dans ce rapport à la mémoire, est-ce que tu as l'impression quand même que dans un tout autre contexte, au hasard ou dans le Pas-de-Calais, on peut trouver des dispositifs homothétiques? C'est-à-dire, tu as dit, en Côte d'Ivoire, l'État est aussi présent. Est-ce que d'une certaine manière, l'État aussi est présent? Ou si ce n'est l'État, est-ce qu'il y a aussi, comme ça, toujours un troisième pôle, finalement? Parce que l'idée serait que, même quand la mémoire intervient, dans ce que j'entends, il n'y a pas que les deux pôles dans une interlocution, mais il y a un troisième pôle qui, dans deux cas, est l'État, qui, à la limite, peut être autre chose. Mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a toujours ça et que la mémoire, finalement, n'est mobilisée que par rapport à un troisième objet qui n'est pas présent physiquement, mais qui, de fait, s'impose là? Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose de plus général en termes de... Je pense qu'il y a toujours, de la même manière que donc ce que j'ai essayé de dire au début de l'entretien, c'est que, d'une certaine façon, l'anthropologue, en tant qu'observateur, en fait, en quelque sorte, il va remplir une fonction de tiers. Et une enquête, finalement, va fonctionner dans la mesure où les personnes vont vouloir lui raconter des choses parce qu'il occupe justement cette position de tiers. Il représente un tiers, en fait, dans une situation, justement, qu'il observe. Et de la même façon, je dirais, dans les situations d'interlocution entre l'ethnologue et les acteurs qui l'étudient, donc dans cette situation qui est une situation de face à face, qu'est l'entretien, en fait je pense qu'il y a toujours quelque part un troisième terme qui est en fait la figure de l'autorité. Et la figure de l'autorité la plus immédiate, la plus omniprésente d'une certaine façon, c'est l'État. Mais ça peut être aussi la direction d'une entreprise, par exemple, si on travaille sur une entreprise, ça peut être... Mais je pense qu'il y a, d'une certaine façon, le représentant de l'autorité, en fait, enfin, ce qui va symboliser l'autorité, ou ça peut être les représentants de l'autorité, d'une certaine manière, sont un espèce de tiers dans les situations d'entretien avec l'ethnologue.